C'est bon ça. C'est bon ce rythme. Thank you. Don't you go to Goa. Bon étant, oula putain, je suis.